Laisse t'aller, y'a pas mal plus de damn get up. Laisse t'aller, j'passe pas mal de temps en shop. Laisse t'aller, ma vie est pris une drop. Laisse t'aller, ça va mal la shop. Laisse t'aller, y'a pas mal plus de damn get up. Laisse t'aller, j'passe pas mal de temps en shop. Laisse t'aller, ma vie est pris une drop. Hey, le gros, t'aurais pas de code de pièce à me passer. J't'en marche coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus une maudite scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais, comme moi, c'est le chômage, j'vois pas chez loin que ça. J'arrive du bounce. J'dois t'aller vendre. Au moment, faut bien survivre en attendant qu'à chaque rentre. Faut que j'bois de la bière, que j'chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pas de weed pour arriver en détente. Que la chance passe, ton existence change. Ça va attendre. Si je rallonge, j'y vais comprendre. Alors on se bat, j'dois être 400 tranches. J'pense à la veille d'un poignet un beige, pis me mettre avant. J'ai guéri de faire le marre de check et cash. J'en vais chercher par tout le monde, partout, tout et part. Tous les jeunes que de mille ont de la théâtre d'art. Et finalement, j'ai pas de mots du seul qui m'adore. Laisse t'aller, ça va mal la chope. Laisse t'aller, y'a pas ma plus de down, get up. Laisse t'aller, j'pense pas mal de temps, watch up. Laisse t'aller, ma vie a pris une drop. Laisse t'aller, ça va mal la chope. Laisse t'aller, y'a pas ma plus de down, get up. Laisse t'aller, j'pense pas mal de temps, watch up. Laisse t'aller, ma vie a pris une drop. En ce moment, vraiment bas de la pente. Quand ça sonne à porte, check par la fange. M'attends ce que les chalocs fassent une descente. Que le propriétaire défonce, pis qui rentre. Le menace de faire couper les draps, moi j'au rockmount. J'ai plus combien de chèques en plaque, leur bordé sa banque. Les huissiers peuvent saisir, y'a rien à prendre. Je veux juste qu'on m'aide un peu, que je puisse me reprendre. Tu m'as pas oublié là? J'ai pas ton cash là, mais peut-être que tu me rappelles. Demain? One demain. Essayez de faire ta place à Montréal, pas de cash. C'est comme péter le 120 en moto, podcast. T'as ton vieux linge, prends un tas d'ombre dans podcast. Ça parle de toi sur internet dans tous les podcasts. Wow, si tu pensais partir dans le sud cette année, j'pense pas que casser ton cochon c'est assez. Oublie pas que l'argent tu me dois c'est à moi. Amène-moi les ch'tanés. Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Et salut, bienvenue à la dernière porte à gauche. C'est Mathieu Plante qui vous accueille en remplacement de Kiwan Rajkowczynski, qui n'est pas là. Et quand il n'est pas là, j'aime bien prendre sa place, enfiler sa veste, sentir ça et faire comme « Oh, je m'ennuie de Kiwan ». Non, pas vrai, pas tout. Donc, bienvenue. On a commencé avec Gatineau en ouverture d'émission avec la pièce Pawn Shop. Très, très bonne pièce. Gatineau qui va être en spectacle à l'Embuscade de Trois-Rivières le 13 novembre à 20h. Et ça, je pense que j'aurais pas le choix d'y aller. En plus, je vais payer pour voir Gatineau. Moi. C'est un de mes bands préférés. Radio et Gatineau ensemble en tournée. Ça va être quelque chose de vraiment bon, ça. Génial. On va continuer avec un premier bloc officiel de l'émission qui va se débuter en tapant des mains. Voici la formation Hand Claps et Pastiche. C'est la dernière porte à gauche. Franchissez avec moi le pas de porte. It's a pas de porte, hey. Comment dire? en espagnol. Chic mon plastique est chic. Chic mon plastique est chic. Chacun son échec en check. Chic mon plastique est chic. Chic mon plastique est chic. Chic mon plastique est chic. Chic mon plastique. Chic mon plastique est chic. Chic mon plastique est chic. Chic mon plastique. Chic mon plastique est chic. Chic mon plastique est choc. Électrochoc, je me choque. Maybe I may be a baby or maybe not. Plastique est chic. Chic mon pastiche est chic. Chaud est mon chapeau chamois. Chic mon pastiche est chic. Chic mon pastiche est chic. Chic mon plastique est chic. Chic mon pastiche. Chic mon pastiche est chic. Chic mon plastique est chic. Chic mon pastiche. We'll be right back. Thank you. Vanesse Pariétaire avec la pièce titre de leur album qui s'appelle aussi Vanesse Pariétaire, qui est du groupe Vanesse Pariétaire avec la pièce Vanesse Pariétaire. C'est comme trois fois la même affaire, sérieusement, sur le site web unechance.com, j'écris Vanesse Pariétaire, Vanesse Pariétaire, bref. Donc, Vanesse Pariétaire, pourquoi j'ai passé ça? Parce qu'ils vont être en spectacle avec Le Nom, qui est le groupe qui a joué juste avant. On les a entendus avec Nouvel Ordre Mondial, version remix. Donc, ça se passe le 11 décembre à 21h au Zoo Bizarre. Il va y avoir un gros spectacle, c'est à Montréal, ça va être super bon. Et bon, donc Le Nom et puis Vanesse Pariétaire. On est très à l'avance sur ce show-là, mais quand même, ça me tentait de les jouer, puis par hasard, ils jouent ensemble, donc je les ai mis ensemble. Beau bloc. À la dernière porte à gauche, Mathieu Plante en remplacement de Kiwan cette semaine. Et dans le prochain bloc, ben, un groupe que Kiwan et moi avons vu en spectacle avec le Husky et Alex Champigny, c'est Les Amours Inavoués. Et j'ai trouvé ça bon. Hein? Donc on va en jouer. Voici la pièce Allez et Venue. Tout de suite, c'est la dernière porte à gauche à C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Barcelone, où tu m'as pris comme une lionne, l'odeur de la Méditerranée t'a sûrement donné des idées. Le train de nuit jusqu'à Grenade, plus bruyant qu'une fusillade, ne nous a en rien affligé, nous étions déjà enflammés. Le sais-tu que je t'envie, plus on s'éloigne. Avec du vin à 2 €, tu m'explorais comme si j'étais le dernier sol que tu foulerais. Ton sens inné de l'orientation ensuite pointait en direction de Cordoue, où nous sommes restés 4 jours à l'expérimenter. Le sais-tu que je t'envie, plus on s'éloigne et plus tu vis, mais par d'étrangers. À Madrid, on en a aperçu des bribes près des tours de la porte d'Europe. Tu as sorti ton stéthoscope à Paris, au fond d'une ruelle, à quelques pas de la tour Eiffel. On a clôturé le voyage avec une promesse de mariage. Fleur, une gitane, via casa, casa voyage, salam alaikum, bon courage, bon courage. Malade, jamais malade d'être stable, disait trop de tâches dans la tâche, 4 sédentaires, c'était sa terre, que tout le monde a un secret. Une mallette remplie de courage, elle était des gens du voyage, directement de l'autre côté de l'océan. Une étrange lumière au rayon qui est l'air. Via casa voyagea, j'ai rencontré une femme, une fleur, une gitane. Via casa, casa voyagea, salam alaikum, bon courage, bon courage. Casanière dans une autre vie derrière. Elle disait que rien n'était faux, vrai, qu'une image vaut plus que mille mots, que tout le monde cherche trop. Une banquette en deuxième classe, elle était de ceux qui s'entassent directement de l'autre côté de l'océan. Une étrange lumière à rayon qui éclaire. De l'autre côté de l'océan, une étrange lumière au rayon qui éclaire. Via Casa Voyage, j'ai rencontré une femme, une fleur, une gitane. Via Casa, Casa Voyage, salam alaikum, bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Café, un bout de vaisselle, un peu crotté, comme la poussière sous miel. Bivouac avec Hostie de Saint-Bordel de leur album Le Synopsis de notre histoire. Juste avant, c'était Pomerleau avec Cassa Voyageur, la pièce titre de son album le plus récent. Et avant ça, c'était Les Amours Inavoués avec la pièce Aller et Venu. On s'en va en pub, puis on revient après avec d'autres musiques. Il va y avoir La Descente du Coude, il va y avoir du Chinatown et le nouvel album de Mes Aïeux. Vous êtes à la dernière porte à gauche, à C'est Fou 89 FM. Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Toujours Mathieu Plante en direct des studios de C'est Fou pour La Dernière Porte à Gauche en remplacement de Kiwan Rykovtinsky. Ouais, Kiwan, je sais même pas où ce qui est Kiwan, sérieusement. Je le cherche. Je cherche partout. Je cherche dans ma soupe. Donc, tantôt, on a entendu Les Amours Inavoués, qui est le projet de Eric Shaw avec plusieurs autres personnes. Eric Shaw qui est dans le Husky, entre autres, donc très très bon. Ensuite, on a entendu Pomerleau qui va être en spectacle, qui est en spectacle ce soir au Vice Café à 21h, c'est à Baie-Saint-Paul. Il va être le 15 novembre au Bal du Lézard de Québec. Ensuite, il va être à Alma et à Chicoutimi. Et puis, on a entendu du Bivouac qui, eux, ben, sont juste bons en général. Dans le prochain bloc, on va entendre La Descente du Coude. Il va y avoir aussi le nouvel album de Mes Aïeux. Très jolie pochette, très joli emballage d'ailleurs pour Mes Aïeux. On va entendre leur pièce Notre-Dame du Bon Conseil. Mais on commence avec Chinatown. Ça vient de leur maxi de seulement 4 pièces malheureusement. Voici Tour Assassine derrière la dernière porte à gauche. À C'est Fou 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Ce chat dans ma gorge ronronnera. je bénirai la pluie qui tombe. Et je me dormirai comme un roi. La la la la. De Métabitchouane à Saint-Dylan. Dans ma tête, y a plus de chansons. De l'île d'Orléans à Saint-Edmond. Dans ma gorge, comme un moton. Du Cap Tourmente à l'Assomption. Ma vie fit avec les saisons. Du Cap Espoir à Déception. J'ai fait le tour. Je cherche encore la trace de qui je suis. Mamie la fête est fatiguée. Je sais plus où aller, ni sur quel pied danser. Blanche sur le lit du motel, de Havre aux maisons à Mirabel. Mon crayon a du plomb dans l'aile, de Montréal à La Rochelle. La télé ne m'inspire rien de bon, de Saint-Véronique à Laurier Station. Un avant-goût du grand plongeon, de nulle part au quartier Rosemont. J'ai fait le tour. Mon pays, je cherche encore la trace de qui je suis. Mamie, ma tête est mélangée. Je sais plus où aller, à quelle scène jouer. J'ai pas de sommeil, roulé jusqu'à fin du chagrin. Y'a une pancarte sur le bord du chemin. Notre-Dame, du bon conseil. Notre-Dame, du bon conseil. J'vais m'arrêter ici, j'crévais. Avant de finir dans le ravin, j'espère que quelqu'un qui veille à Notre-Dame du Bon Conseil. We'll be right back. lunaire en orbite autour des critères de sélection. Je manque de terre à terre. En orbite ou bien en temps. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Je roule ma boule dans le talot. Le secret par secret des souhaits muets me confie au silence qui passe. Les mots tu les mordus, les sept tours de langue. Le tourbillon de la parole du sage, l'universel reportage. Ça va, la vérité en marche. En orbite ou bien en top. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. De cracher sur le boursier. J'pendrai pour mon idéal. La descente du coude de la dernière porte à gauche, la descente qui va être en spectacle, en fait ce soir à Saint-Hyacinthe aux Haricots à 20h. Ensuite, ils vont être le 16 octobre au Divan Orange de Montréal. On les a entendus avec la pièce Hobbies de leur album Coup de foot de la descente du coude, oui. Juste avant, c'était Mes aïeux et leur nouvel album La ligne orange. On a entendu la pièce Notre-Dame. C'était quoi déjà? Notre-Dame du Bon Conseil, c'est ça. Et eux, ils sont en spectacle à partir du début du mois de novembre, le 3 novembre à 20h au Centre culturel de Belleuil. Ensuite, ils vont passer par Victoriaville, Sorel, l'Assomption, Saint-Jérôme, Granby et plusieurs endroits, sauf Trois-Rivières, malheureusement. Et on a débuté le bloc avec Chinatown, qui va être le 15 octobre à l'émission Baromètre du canal Vox. C'est un groupe de Montréal et on les a entendus avec la pièce Tour Assassine. On approche la fin de cette dernière porte à gauche avec Mathieu Plante en remplacement de Kiwan Rajkovchinski. Dans le prochain bloc, ben, il va y avoir plein de bonnes musiques. On va sûrement entendre du Biobazard d'ici la fin de l'émission. J'ai envie d'entendre ça. On va aussi avoir Jacques Mort, qui est un des groupes que j'aime beaucoup. Mais on commence avec Ben de Garage. Voici Campeur. Tout de suite, c'est la dernière porte à gauche. Assez fou, la radio autrement. La bouche qui goûte le sang. Slush, la fille qui m'a...

Biobazar et la pièce René et les mini-jupes, pièce que vous avez probablement entendu si vous écoutez C'est fou moyennement régulièrement. C'est Danny Janvier qui fait ça, Biobazar. myspace.com/biobazar. Il était au lancement de C'est fou et aussi au lancement de la programmation d'automne. Et ça vient de son album Sainte-Cécile. Vous pouvez en savoir plus sur son MySpace. Commandez l'album aussi sur iTunes. Voilà, donc c'est presque la fin de l'émission. Déjà, on a le temps pour entendre... le temps d'entendre, je dirais même. La Baroque Machine avec la saveur du mois, qui est leur nouveau simple. Et on espère que ça va entrer sur le palmarès bientôt, ça. Va falloir. Je vais utiliser mes contacts comme un marionnettiste, moi, ça. Pareil. C'est la dernière porte à gauche au 89.fr. La Baroque Machine, la saveur du mois dans la dernière porte à gauche. La Baroque, il n'y a pas de spectacle avant le 6 décembre prochain, donc on va les surveiller. Mais ça, c'était leur nouvelle pièce qui vient tout juste de nous envoyer il y a quelques semaines. J'espère que ça va entrer dans le palmarès bientôt. Avant ça, c'était Biobazar, artiste trifluvien, Danny Janvier. Allez voir le myspace.com/biobazar. C'est déjà la fin de la dernière porte à gauche pour cette semaine. C'était Mathieu Plante en remplacement de Kiwan qui sera de retour la semaine prochaine et qui anime aussi par le fait même l'émission Respecte les Dauphins les jeudis à 16h. Moi, ben, en bref, je vous retrouve avec Tour la chanson. Poste d'écoute dans les palmarès, c'est fou, et toutes les autres émissions où je remplace les gens qui sont pas là.